Dis donc, il est giron, ton petit sommelier. Le bon cru. Et bonsoir tout le monde, vous êtes dans les bons crus. Déconfinés cette fois. Yeah. Mais toujours en visio. Mm-hmm. Ouais, pas le choix. Pour l'instant, voilà, on n'a pas regagné les studios de Radio Campus. Donc on continue nos émissions à explorer différentes années tirées au hasard avec des catégories. Et là, on s'attaque à la décennie des années 90 avec l'année 98. Ouais, donc cette émission, donc 1998, on a tiré au sort deux catégories. On est tombé sur le featuring de l'année et la prod de l'année. Donc, deux catégories je pense, assez compliquées à définir. Ouais, assez ouvertes quand même et avec beaucoup de choix, ouais. Surtout 98, je sais pas vous les gars, mais c'était quand même assez compliqué. Hein. Ouais. Il y a du choix. Il y a du choix dans tous les styles de l'époque, en tout cas, et... Du coup, Simon, tu vas ouvrir le bal avec la prod de l'année. Ok. Alors, difficile. Pour la prod de l'année, donc, je vais quand même dire un truc, c'est qu'on avait fait une émission avec Jérôme sur les 98. On avait disclaimer. Non, mais on avait beaucoup parlé de New York. J'avais parlé de mon amour pour Gangstar, voilà. Mais là, je me suis dit, je vais quand même m'attaquer à d'autres choses, parce qu'il y a plein de trucs intéressants. Et du coup, pour la prod de l'année, je suis allé... en Californie, et j'ai choisi le son Seawalk de Corrupt. Donc, c'est produit par Das Dillinger, un des producteurs au final les plus actifs en 98 de Death Row, parce que Dre, il avait déjà quitté le bateau. Ouais. Même sur l'album de Tupac, j'ai réalisé qu'en fait, Das, il avait produit plus que Dre. Dre avait produit que très petite sur l'album. Deux ou trois titres, je crois. Ouais. C'était quoi l'album? C'était le double album, All Eyes on Me? Oui, voilà, l'album vraiment le plus connu de Tupac, au final, Dre n'a pas tant produit dessus, et Das Dillinger a produit, je crois, 5 ou 6 sons, donc il était quand même assez actif à cette période-là. Et donc le son Seawalk, qui fait référence au Creep Walk, donc c'est, pour faire un peu d'histoire, donc c'était une espèce de pas de danse, ou une espèce de marche que faisaient les Creeps, okay. Donc, le gang rival des Blood, et donc il faisait ça un peu en mode danse macabre quand il tuait quelqu'un dans la rue, ou aussi juste pour montrer leur appartenance. Mais bon, en 98, ça avait un peu perdu tout ce folklore, et c'était plutôt marrant, disons. Dans le clip, on peut le voir, les mecs qui s'amusent, ils font leur petite Seawalk, et donc je trouve que cette prod, elle correspond parfaitement en fait à cette espèce de pas de danse, marche bizarre. Je trouve que la prod rebondit vraiment et s'adapte super bien en fait à cette danse. Et bon, au final, c'est un truc un peu glauque au début, mais je trouve que à la fin, Corrupt, il arrive à bien associer en fait ça, ce côté un peu funky où t'as envie de bouger, et en même temps la prod elle est un peu menaçante, tu vois, c'est un peu le West Coast dangereux, quoi. Mais ouais, je trouve prod très simpliste, mais en même temps excellente, et qu'avec la première fois que j'ai écouté ce son, j'ai tout de suite été emballé, et encore aujourd'hui, donc je pense que ça a fait son petit effet. Et comme j'ai dit, voilà, j'essaie de bouger un peu New York, des bonnes sonorités New York, mais bon, il se passait d'autres choses. Yeah, this for the West Coast CD. Yo. Let me clear my throat. Check it out, check it out, check it out. We gonna drop it like this. Yeah. Yeah. What? This album is the best of both worlds. Yeah. That's Dilly. This for the West Coast side. Young Don't forget about Charlie. It slips for the West Coast one. Sagging, nigga G'd up, sipping, sip, nigga dip, nigga set trip, nigga got a grip, nigga get a grip, nigga with the gangin', rolling with the Alpine banging. Homie, what you got? A couple sacks to sell. Went from weed to dope to max to sell. Hit a switch, nigga, don't fuck around with bitch niggas. I'm a money cash, nigga, cash getting hash, hitting gangbang affiliate. Hit a stick real quick, and in a minute start killing shit real quick. I'm a $1 million motherfucking nigga, dollar motherfucker. I thought you knew about it, don't about it. Now the homies bout it. I'm about to do this. Hit a lick, then hit back with some new shit. To have a gangster reunion. The homie told me, get your boogie on, youngster. See, walk, homie. Yeah, homie. Get your walk on. See, walk, homie. Homie, homie. See, walk, homie. Get your walk, homie. Yeah, I'ma tell you like this, corrupt. You know how it was for me. Been regarded as the hardest since I hit the set. Young nigga with a rep, kept that gangster step. Blue poker sacks, a blue corduroy house shoes on. Flossing for the hood rats, get my groove on. Hanging in the park till all hours are dark. Trying to catch a mark, slipping with this thing that bark. Cry baby on the swamp, got the exit lock. And ain't no doubt coming out, he gon' wreck your night. Pass me the satin cloak so I can wet my throat. While I sag the blue khakis with the Raider coat. All the hoes really want is gangsters. Just like us, rough and don't give a fuck. Ain't that right, corrupt? That's stay right. Banging on these niggas on a regular basis. Big paper chases, facing felony cases. Made it to be famous, living hard and dangerous. Stepping on these busters in my blue Chuck Taylors. See walk, homie. See walk, homie. See walk, homie. Hawthorne's in the house. Seawalk, homie. And we seawalking. You dig it? Seawalk. You know the gangsters rock, gangsters roll. Here's the gangster shit. We on the gangster stroll. This gangsters ride, gangsters slide. Then the gangster ride with the gangster glide. Cause gangsters move and gangsters groove. Most gangsters got nothing to lose. Gangsters live and gangsters die. Gangsters form a gang and the gang multiply. Gangsters give a fuck a G, don't ask why. Gangsters don't snitch and gangsters don't cry. Gangsters boogie, gangsters don't dance. Gangsters pull the strap out your pants and blast. Gangsters don't run and gangsters don't hide. I'm a gangster ass nigga from the six outside. That's how I know exactly what a gangster do. You love the gangster shit, ain't you a gangster too? Then see walk, homie. See walk, homie. Slip Capone. See walk, homie. OG Trey D. See walk, homie. Corrupt. A nigga dance, super fly, now walk on him. On him. See walk, homie. See walk, homie, homie. Yeah, now walk on him. On him. Corrupt, Young Gotti, Daz Dillinger, Super Duper, Super Fly, Trey D, Slip Capone, Dog Pound Gangsters. We love the East Coast, homie. But we West Coast Assassins. So you gotta love us too. Yeah. I'm from the East. But I moved to the West. That's where I grew up. Everybody acts corrupt. Hey yo, corrupt. Where you from? And that's when I let them know. I'm from the Dog Pound. The gang. Yeah. No disrespect to my other homeboys. No disrespects to the Bloods. You know. moi, ça me fait direct penser à un truc, c'est que Alpha One, il a freestylé dessus pour son couvre-feu. Ah. C'est la deuxième prod du couvre-feu d'Alpha One. Ah ouais, ok. Bah, tu vois. Et du coup... Ouais, mais c'est vrai que Kerop, je sais pas si après cet album, il a vraiment existé. Il était, je l'ai pas dit, mais c'est le membre, pour nos auditeurs, c'est le membre d'Adoc Pound avec du coup Das Jinger. En fait, là, c'était un espèce de reformation du groupe après la séparation du groupe. Ils sont, enfin, une collab, mais ils étaient plus ensemble, quoi. Ils étaient plus sous le nom d'Adoc Pound, mais... Mais c'était un solo de Corrupt quand même. C'est un solo de Corrupt, c'est le premier album de Corrupt. Ouais, ouais non, mais je vois ce que tu voulais dire avec le côté très rebondi de la basse qui est assez minimaliste et boing boing. Rapidement, si tu visualises aussi le creep walk, ce qu'ils font, c'est un peu, enfin franchement, pour être honnête, ça, c'est un peu ridicule. Enfin, c'est un peu ridicule comme ça. Pour des mecs qui sont des gros membres de danse, ouais, gangbanger, c'est une petite danse un peu genre ouais qui rebondit, tu vois, qui leur petit pas de danse dans la rue comme ça. Mais ok, mais si elle est mollo, si on peut le dire, sur la prod de l'année là. Oui, oui. Et en même temps, c'est un souvenir et ça représente quelque chose. Ouais, mais je trouve aussi que c'est bien. En fait, c'est pour moi, je l'ai mis en prod de l'année. Bon, je suis d'accord, hein, il y avait des prods peut-être meilleurs, mais je trouve que cette prod s'adapte très bien au contexte et à ce qu'il a voulu faire. Mmh. C'est ce côté rebondissant, je trouve que nickel. Voilà. Ouais, nickel. C'est la prod de l'année. Du coup, ça va être mon tour. Moi, je vous amène dans le sud, à Houston, avec un titre en fait que j'écoute quasiment depuis le début du confinement, là. Mmh. Je suis retombé dessus par hasard. Et quand on a choisi l'année 98, bah, je me suis dit, ah bah parfait, je vais pouvoir le placer. Okay. C'est 25 Lighters de DJ DMD. C'est un rappeur-producteur qui vient de Port Arthur, comme les fameux UGK. Ça va te plaire, Julien. Ouais, ça va me plaire. Et en featuring sur le morceau, il y a Fat Pat et Lil Keke, donc aussi deux gros rappeurs de Houston. D'ailleurs, oui, cette même année, Fat Pat va décéder malheureusement. Donc eux, c'était des membres du Screwed Up Click. Ouais. On en avait pas mal parlé avec Julien dans l'émission qu'on avait faite sur Houston. Et cet instru, en fait, et surtout, bon, il y a deux choses. Il y a l'instru que je trouve vraiment génial, qui est prenante et tout. Et après, il y a une line dans le morceau, c'est un peu le refrain, qui a été pris en fait à 8Ball et MMJ. MMJG. Ouais, MMJG. Qui a été reprise après derrière dans plein de morceaux, par Kendrick Lamar, Travis Scott, j'en passe. L'instru, elle a été samplée même par Drake. Enfin, ça, c'est pour les trucs les plus récents. Mais après, à Houston, ils ont fait énormément de versions. Je crois parce que t'as vu, t'avais déjà la connexion du coup Houston-Memphis parce que 8Ball et MJG ils sont de Memphis. Ouais, c'est ça. Et du coup, déjà la connexion qu'il y a pu avoir après avec un petit peu 3-6, très rapidement, 3-6 et UGK, enfin beaucoup de collaborations entre Memphis et Houston de toute façon. Ouais. Et là donc ils reprennent ce truc autour des 25 lighters. En fait, les lighters c'est les briquets qui ouais. sont remplis de crack en fait. Pour être vendu plus facilement incognito, quoi. Et t'as ce refrain qui est vraiment qui reste dans ta tête. Et en fait, quand vous allez l'écouter, le morceau, si vous le connaissez pas, vous allez vous dire, ah mais je connais cette phrase parce que beaucoup de rappeurs l'ont réutilisé. C'est vraiment devenu un truc culte de Houston et même, je dirais, du Sud en général. Voilà, donc ça sort en 98. Je crois qu'il y a une version aussi de 97, mais voilà. Love it, man. 25 lighters on my dresser, yes sir. I got stuck, get paid. We got 25 lighters on the dresser, yes sir. We got stuck, get paid. I got 25 lighters for my 25 phones. About to break the mic, then break 25 modes. About to rip the track with about 25 flows. And I'm dipping like a Mac with about 25 hoes. 25 5 carat diamonds in my brain. 25 12s in the trunk. feel. Come up so I can knock off Big 99 Sophia. Got to take me by 25 yellow bones home. Doing bad to make them 25 phone home. Call daddy, tell him 25 got to go. Damn, beat him, put it down, 25 out the door. Hitting the highway, doing 25 shows. 25 limos, slamming 25 doors. Representing for those holding 25 screws in their deck. I'm a wreck and rip 25 crews with 25 lighters on my dresser. Yes, sir. I got stuck, get paid. We got 25 lighters on the dresser. Yes, sir. Got stuck, get paid. Hey, love it. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. I got stuck, get paid. We got 25 lighters on the dresser. Yes, sir. Got stuck, get paid. Hey, I jumps up early and I yawn to stretch. Another day, another dollar, another case to get. I take my time and realize that this game is real. I got my mind on farm, but I'm swinging barber grill. Gots to act real bad when I close red doors. I'm shooting spiders off my rims cause I'm riding on foes. And niggas don't understand that we be drinking the norm. Never trust broads, live fraud. Own the bar is where I swing, where I claim my name. Back in the game, Hershey Wood, Texas Street Gang. It's the 9-8 and I'm jumping in the mist. Rocks up on my wrist and got haters off my list. How you like me now? Cause I'm real. Coming 9-piece and chain foes, shiny grills. Got to bring hat, where them boys at? Fresh to break the mic down, it's that fat pat. 25 lighters on my dresser, yes sir. I got to get paid. We got 25 lighters on the dresser, yes sir. Got to get paid. Love it. 25 lighters on my dresser, yes sir. I got to get paid. We got 25 lighters on the dresser, yes sir. Got to get paid. So cold in the game. Southside players screwed up. Click main with the body set. You can bet we smooth as a vet. Coming through this motherfucker, man. Hold up and slip. Some niggas catch me high like that. And some niggas act like they wanna pull a gat. But they better watch out for that RPAT. That's the motherfucking haters. Can they handle me? Cause I be so cold in this game. Coming down, I'm a swing. Rip wood grain on the shirt. I leave it stained. Cause you try to jack a real true G. Coming down the boulevard, can you see me? Swangin', swangin', swang to the left. Pop my trunk and yip, yip, yip. Niggas better see a nigga roll. Starch dying and I'm rolling on 84s. It's the nigga FAT, represent the clique. Right up in the bowl and a whole lot of shit. You better look around, cause yeah, you might be standing. I'ma say hold up and scream, goddamn it. Cause I'ma let the cat gon' rip. Gonna take a trip, and it's an empty clip. Let's throw it off the ship, cause it's a throwaway gap. It's that fat pet, where them haters at, where them haters at. Man, love it, man. We got 25 lighters on the dresser, yes sir. Got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes sir. I got to get paid. We got 25 lighters on the dresser. Yes, sir. Got to get paid. Love it. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. I got to get paid. We got 25 lighters on the dresser. Yes, sir. Got to get paid. Love it. 25 lighters on my dresser. Yes, sir. I got to get paid. We got 25 lighters on the dresser. Yes, sir. Got to get paid. Love it. That's how we do it. Pour ceux que ça intéresse, donc de savoir à quel point ça a influencé le rap et c'est devenu culte, il y a une petite vidéo de 2 minutes sur Genius. Je la posterai sur Twitter une fois qu'on aura publié l'émission. Voilà, où on retrouve un peu tous ceux qui ont réutilisé la phrase. Et après, ça parle aussi de comment ça a été construit aussi ce morceau. Il y a un autre truc intéressant, c'est que le DJ DMD, il a fait quasiment que ce hit en fait, hein. Il est connu que pour ça. Et après, un peu comme DMX, il est devenu pasteur, plus ou moins. Il s'est tourné vers la religion. Je parle pas de Kanye, c'est pas le sujet. Et il a remixé la chanson en l'appelant 25 Bibles. Voilà. Et il fait le même refrain, 25 Bibles on my dresser. Yes, sir. Un beau retournement de situation, de passer du crâne. Un retournement de veste. Ouais. Bah, il y en a beaucoup, au final, dans le rap. Hein. Je pense que tu pourrais limite faire une émission là-dessus. Hein. Ouais. Du coup, c'était à qui pour la prod de l'année, du coup? Mais je vais enchaîner. Alors, pour la première fois depuis le début de ces émissions, je vais parler de rap français. Donc, en 1998, c'est le deuxième album des Sages Poètes de la Rue qui sort. Yes. Ça s'appelle Jusqu'à l'amour. Et donc, j'ai cherché un morceau que je trouve, enfin, qui possède un sample que je trouve vraiment fantastique, qui s'appelle Bar Chocolaté. Donc, en fait, c'est un sample d'un groupe de soul qui s'appelle The Main Ingredient. Et c'est un groupe qui a vraiment été énormément samplé. Enfin, j'ai regardé un petit peu, ça va de Biggie à Earl Sweatshirt, du coup, en passant par Sage Poète. Et. Et je sais pas, c'est le genre de prod, c'est du velours, quoi. C'est tout simple, il y a un sample, un break de batterie, et c'est juste trop bien, quoi. Il y a juste des mecs qui kickent dessus, et c'est parfait. Et de leur fils, flashback, sport, les braques, c'est la police, arnaque, raquette, prostitution. Non, il est juste question de distribution de drogue. Si tu prends cette merde direct, tu vogues. T'es derrière elle, t'es un drogue, et voilà, vie comme un Van Gogh géant. Et petit à petit, ton esprit sombre dans le néant, créant autour de toi un univers de mécréants, créanciers, constamment avec des blèmes financiers. La CF est oubliée, les crédits fonciers, grosse barre chocolatée, les en poudre. Il croit que ses parents font de la cuisine fast food et boule. Quand il lui refuse d'assister à la préparation, chico, crack, amphétamine, séparation. Ration pour X, ration pour Z. Certains clients accro devant un dernier fixe d'héroïne saine. Red, quand t'as 10 ans, voit un drame poignant et qu'on croit que ses parents ne sont que des aides-soignants frimants. À l'école, ils se vendent de leur toucher. Dit qu'ils ont des doigts d'or alors qu'ils vendent la mort. Couché, tout le monde couché. Quand les flics arrivent dans l'appartement, ils ont démantelé le plus gros réseau du département. C'est le petit qui a parlé ce matin là en classe et dit que ses parents maintenant faisaient des petites boules de glace à la vanille et que des gens venaient donner de l'argent à la famille. Mais ces gens n'avaient rien d'un comportement ami, à part en période accro quand ils perdent leur manie de macro. Yo, en attendant, c'est fini pour eux. L'incarcération les attend et les larmes aux yeux. Le petit pas pour un sang spécial d'enfant à problème. Gosse de la bohème pour toi, j'envoie ce poème. Ah, j'ai plein d'amour pour la jeunesse, attrapé par la délinquance juvénile, la frustration et le stress. Alors laisse couler la musique dans tes veines et sache que les vrais héros sont que tous ceux qui la sèment. La la. Fais un mauvais rêve cette nuit. J'étais dans cette rue déserte, obscure, à la recherche d'un taxi. J'avais un rendez-vous aux alentours de minuit. Tu vois le genre de plan où tu risques ta vie. Je prends conscience que notre époque est ruse, m'accapare les cerveaux fragiles parce que j'en ai l'habitude. Mes partenaires me respectent ainsi que ma clientèle. J'avoue que pour moi c'était essentiel. Je monte dans ce taco, fais déjà sombre. Les spots de la ville éclairent la pénombre. Le froid a brisé tout espoir. Des clochards meurent dans la rue. Telle une épidémie qui tue. Je continue mon parcours, 20 minutes que je roulais. Je dois me rendre à Clignancourt. Un mec a livré, il a commandé des barres de chocolaté, puis du lait en poudre bébé, prêt à consommer. Je sors du taco, le mec me menace. Yo, passe la marchandise tout de suite, ou bien je te froisse. J'ai pas d'autre alternative. Je dois me soumettre à son ordre, ou bien c'est ma vie que je prive. Tu vois la vie d'un lâche, le gun ou la hache. Y'a pas de règle établie, il faut que tu le saches. Montre en or, coupé, sport, pince à carreau. Timbo, sweet cap, pur style de négro. La poudre anéantit la vie. Et c'est toi qui l'as choisi. Mais laisse plutôt couler la zig dans tes veines. Et sache que les vrais héros sont tous ceux qui la sèment. Même ceux qui déraisonnent, ça semble à ton fils, mais le système emprisonne. J'ai grandi avec l'actuel dealer du secteur. Parfois je croise encore le fils de l'actuel inspecteur. Narco, négro, erreur, carte de séjour, demandeur, chaussures en leveur, jamais d'excuse. Si je fais une erreur, le cannabis c'est le grand jeu, la thune l'enjeu. Et ma mère guette, anxieuse, la couleur de mes yeux. Et avec le cash maintenant les guns s'infiltrent. Mais dites, êtes-vous bien sûr que les jeunes profitent? Shit, porteur, poche pleine et plein de veines, on ne sert pas. Claque ta thune dans n'importe quoi, vas-y, joue le hoche, mais la fin de semaine fauche. Alors tu retournes vendre et la compète t'accroche. Tu vois l'image, c'est comme ça, vrai, la route glisse. Les gueules sont en chasse et mes frères poussent le vice. Mais bon, avec mon gros, si je protège mes arrières, les mecs sont dingues, veulent briser ma carrière. Yo, laisse couler la musique dans tes veines et sache que mes vrais héros ne sont que ceux qui la sèment. Voilà, donc bon, c'est peut-être pas la plus emblématique de cette année-là, mais en fait, c'est un album que j'ai découvert pas mal sur le tard, globalement l'année dernière. Depuis le moment où j'ai découvert cet album, vraiment, ce morceau me fait pas mal bloquer. Du coup, bah voilà, un peu comme toi, Julien. Jérôme, depuis quand j'ai vu que c'était 1998, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Yes. Ah, mais des fois, il y a des trucs super simples à cette époque qui sont complètement géniaux, tu vois. Le sample, il est très simple au piano. Ouais, c'est ça, c'est une petite balade. Et puis, il faut voir qu'on est en 2020 et que Gangstar, c'est bon, on l'a déjà écouté pendant plus de 10 ans. moi, franchement, en plus, c'est mon album préféré de Gangstar qui est sorti en 98. Ouais, il n'y a que des prods de folie dessus. Je trouve que Primo, il est à son meilleur. Mais là, je suis un peu lassé. C'est pas ça que j'ai envie d'écouter. C'est pas ça que j'ai envie. J'ai pas envie de parler de ça en ce moment. Donc, voilà. C'est peut-être trop facile aussi, quoi. On se dit morceau de l'année, etc. Mais on cherche quand même pas trop la facilité à chaque fois. On essaye un peu de se c'est ça, de trouver des trucs un peu différents, quoi. C'est le but du jeu. Du coup, Julien. Alors moi, 98, ça a été un peu compliqué pour moi parce que tous les albums que j'aime, c'est soit sortis en 99, soit en 97, enfin, il n'y avait rien qui tombait vraiment. Et finalement, quand je me suis replongé dans mes archives sombres de mon iTunes, j'ai trouvé un album de 98 qui m'avait fait grave kiffer. C'est l'album de Master P, qui s'appelle MP, The Last Don. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà écouté. C'est son premier album, je crois, non ? Oui, enfin, c'est un de ses premiers albums. Ouais. Et dedans, il y a un morceau qui m'avait fait kiffer de ouf, avec un sample incroyable qui a été repris plusieurs fois. C'est le sample de Love Hangover de Diana Ross, que tu peux retrouver dans Paradisiac de MC Solar aussi. D'accord. Et dans Freaking It de Will Smith, qui était sorti en 99 aussi. Et dans The First Night de Monica, qui était sorti en 98 aussi. Et Paradisiac 97. Donc du coup, le morceau... Dedans s'appelle Gangsta Beach et ce morceau, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Dès que je vais vous mettre le sample, vous allez tout de suite reconnaître. If she ain't a gangsta bitch, then I don't wanna know it sound crazy. I want a gangsta bitch to have my baby. And pack a 380. And ride comb by the popos with dope and a Mercedes. And know when to be a lady. And besides me with Hennessy and weed when she bathed me. If she ain't a gangsta bitch, then I don't want her. Don't want her. And if she ain't a gangsta bitch, then I don't need her. You can keep her. If she ain't a gangsta bitch, then I don't want her. Don't want her. And if she ain't a gangsta bitch, then I don't need her. You can keep her. She gotta be a gangsta bitch, bout that gangsta shit. I'm living this gangsta life, doing this mob style shit. I smash like Clyde, beneath that Bonnie on the side. To hold my strap and bust caps at niggas' naps. We can sip in, be homies and best friends. Smash off XO, get his and her M10s. Collect my cash, conduct yourself with class. Get respect for my soldiers every time you pass. When I can't be seen, you can inform my team. Call that shot to keep the block on pop. And chop more chickens than KFC. Lay down organized crime, be my DOG. If she ain't a gangsta bitch, then I don't want her. Don't want her. And if she ain't a gangsta bitch, then I don't need her. You can keep her. If she ain't a gangsta bitch, then I don't want her. Don't want her. And if she ain't a gangsta bitch, then I don't need her. You can keep her. I need a gangster bitch, I need a gangster gimp. I need a top notch shorty to hold my clip. Baby, don't be afraid to fall in love with a dub. All you get from this lesson, baby girl, is true love. She was down for me, colonel, on my joke. When I was locked down, my black queen sending me letters to the compound. Shit, you feel me now? She closer than my bitch. She my boo, cause she down to do some gangster shit. And if a bitch trip, she down to boot up a beat. My little mama go to work every day. I run the streets, she's a G bitch. If she ain't a gangsta bitch, then I don't want her. Don't want her. And if she ain't a gangsta bitch, then I don't need her. You can keep her. If she ain't a gangsta bitch, then I don't want her. Don't want her. And if she ain't a gangsta bitch, then I don't need her. You can keep her. De Master P, on reconnaît largement Master P, rappeur de la Nouvelle-Orléans, comme ce bon Wheezy. Ouais, c'est ça. Ça sentait le sud un peu, c'est vrai. Ouais. Mais donc, du coup, cet album, pour ceux qui n'ont pas encore écouté Master P, c'est un de ses albums, je trouve, qui est le plus accessible. Même... Enfin, c'est vrai que c'est pas très facile, mais moi j'aime beaucoup Master P. C'est pas son premier album, c'est son 1, 2, 3, 4, c'est son cinquième album. Ouais, alors c'était le genre le... Mais c'est le plus connu. Voilà, c'est ça. C'est le plus connu et surtout, c'était en 98, il avait fait un carton avec cet album et il avait été classé dans tous les charts. Enfin voilà, c'était mon choix. Sample hyper connu et voilà, je sais pas, il caresse l'oreille ce sample, je trouve incroyable. De toute façon, le morceau original est juste ouf. Donc voilà, et puis ça me rappelait aussi un petit peu le paradisiaque de Claude. Voilà. Que des classiques. Ouais. Bon, au final, c'était limite les pépites là dans les catégories. Ouais. On a un peu contourné le thème de la prod, mais bon, on a quand même tout choisi par rapport à une prod qui nous plaisait. C'est déjà ouais, ça. Voilà. On a choisi le morceau par la prod. On enchaîne du coup avec le featuring. Ouais. Ah, du coup, je vais commencer encore. Donc, Julien vient de parler du Sud, je vais y rester. Donc, moi, mon feat de l'année, c'est Outkast featuring Raekwon the Chef, donc sur School Beat on B-Bar de Outkast. Donc, c'est sorti sur le troisième album de Outkast, Akwe Mehai. Et donc, on va revenir un tout petit peu en arrière pour voir pourquoi j'ai choisi ce feat et pourquoi il est un peu spécial quand même. C'est qu'en fait, c'est le premier feat de Outkast déjà en dehors de la Dungeon Family. Sur leurs deux premiers albums, ils avaient collaboré qu'avec des artistes du groupe. Mais sur cet album-là, ils ont un featuring avec Silo, non, je crois aussi. Ouais. Avec Silo ? Il y a un featuring avec Silo sur cet album-là, je crois. Ouais, mais oui, Silo, c'est un membre de la Dungeon. Oui, voilà, c'est ça. Là, avec Craig One, c'était vraiment la première fois qu'ils sont sortis de la Dungeon Family. Et donc, c'est intéressant parce qu'en 95, au Source Awards, donc vraiment le truc le plus. La plus grosse cérémonie hip-hop à l'époque, Outkast gagne le prix du meilleur nouvel artiste, un nouveau groupe, quoi. Et ils sont au milieu de la guerre East Coast-West Coast, c'est vraiment la merde. Ce soir-là, ça a failli partir en couille clairement entre Suge Knight et Bad Boy, et en général entre East Coast et West Coast. Et au final, Outkast se fait siffler en montant sur scène en gagnant leur prix. Et André 3000, un peu vénère et un peu en mode bon, vas-y, on est là quand même. Qui lâche un The South Got Something to Say et qui. J'ai vu un reportage là-dessus qui disait quand même que les gens avaient été un peu surpris par l'assurance avec laquelle André 3000 dit ça et t'as envie de l'écouter, t'as envie de dire ok, d'accord. Et je trouve ça quand même assez intéressant que bon, c'est arrivé trop tard à mon goût, hein, parce que Outkast fait déjà des choses exceptionnelles depuis leur premier album. Mais bon, c'est quand même un featuring un peu spécial pour eux. Et bon, voilà, que le fait qu'un des membres du Wu-Tang fasse une collab avec Outkast, voilà, c'était un peu une super fusion et ouais. Disons, une acceptation générale du rap du Sud, de Outkast, même s'ils avaient déjà des fans et que leur musique était déjà excellente avant. Bon, voilà, là, c'est une espèce de reconnaissance, je trouve, par le plus grand groupe probablement à l'époque de rap, le Wu-Tang, qui était un peu à son apogée. Voilà. Donc, c'est sur cet album-là qu'il y avait Rosa Parks ou pas? Ouais, c'est celui-là, ouais, c'est Akwe Mehai. Mm-hmm. Et c'est marrant parce que Simon, il est venu me voir, il m'avait envoyé un message en me disant « Je pense qu'on a choisi le même. » Et en fait, j'ai failli choisir ce morceau-là. Ouais, ouais, ouais. À ouais. Chaque fois, il vient me voir, il me dit « Je pense qu'on a choisi le même morceau. » j'ai failli prendre ça aussi, ça va. T'as commencé à dire des trucs, je me suis dit « Ouh la merde. » Ouais. Des featuring comme ça, en fait, c'est vrai que New York méprisait le rap du Sud. C'était les puristes. Hein. Ouais, mais en fait, petit à petit, il y a eu pas mal de featuring entre… En fait, les mecs de New York sont allés chercher les gars du Sud. Bah, Jay-Z, hein. Jay-Z il est allé chercher Scarface, après il est allé chercher Pimp C, après, enfin, etc. Quoi. Mais lui, c'était l'opportuniste de base. Quoi. Mais, ouais. Mais par contre, ce featuring Rick One Outkast, ce n'est pas de l'opportunisme. On voit vraiment, même dans les paroles, il y a un truc. C'était un peu inattendu quand même. Hein. Oui, ouais. Mais bon. Et la Dungeon, c'était un peu le Wu-Tang du Sud, quoi, quelque part. Un peu, ouais. C'est pour ça, c'est une fusion intéressante, là. C'est un... On the barbie, we try to lose. Say, I be goddammit, they done changed the groove. The common denominator, the nigga numerator. Never know who to hate, a niggas cater to your ego. I'm sorry, like Atari, who's the cousin to Coleco. Fish in Puerto Rico, back on the street like Chico. The barge, he large and got a lack in the garage. Few parts here and there, I declare hard. My lord, one at Clark, one at Spelman. Both know each other and it's cool, you can tell when he step off in the party, women jump for joy. But all the wild niggas scheming, they gon' jump the boy for spitting all that bourgeois. My watch, my car, I'm a star. I'd rather be a comet by far. Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddammit, they done changed the rules. Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddamn it, they done changed the rules. Deliver this through your audio, ghetto mafioso, bro, hydro, then bagging up yo. Price that longevity suggests make moves slow. Take time, bro, eight, react, now blow. Hydro, slide, roll like fuck Ronaldo. Fly ride though, shit looking wide open, glide yo. Flipping the page, I go, watch 5-0. Jump on my meat, ride slow, watch those undercovers, cop those, rock those, Glock those. Leave them back and collect spot grows. Keep a watch froze, lean on the yacht, wash clothes. Let the chop blow back and have a block, block grows, what? Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddamn it, they done changed the rules. Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddamn it, they done changed the rules. But I bust raps like D-Boys bust gas. Shit, we the type of people that don't bury the axe or the hatchet. Every time we see your link, we snatch it. Ride around our hood, talking that dumb shit. Your cabin is crap, like plumber's ass and summer's grass. I've been in the game for a minute. Seen some suckers like y'all passing, thinking you're light skin. Alright then, little boy, why you fright? The dungeon family gon' be here, nigga, so keep right. I gotta hit the source, I need my other half on mic. Because that southern playalistic hell, that music was a classic, right? Call it party point indicator, they got my back. So, we gon' keep on jamming and stabbing off in the track. I think it's time to bungee, but buddy, we will be back. And I'm finna put some D's on the lag, no that. Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddamn it, they done changed the rules. Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddamn it, they done changed the rules. Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddamn it, they done changed the rules. Old school players to new school fools. Cats keep it jumping like kangaroos. But skew it on the barbie, we ain't trying to lose. Say I be goddamn it, they done changed the rules. Voilà mon feat de l'année. Ça rappe bien quand même. Ouais, ça rappe très très bien. Rekwan est chaud dessus aussi. Hein. Il a lâché un bon couplet. Hein. Ils sont tous au top là un peu. Hein. Ils étaient tous au top de leur carrière. J'enchaîne du coup, moi je reviens avec du rap français aussi. Vous avez remarqué, je prends toujours un morceau de rap américain, un morceau de rap français. C'est pas fait exprès. Hein. C'est vraiment que là, pour moi, c'est le featuring de l'année. Franchement, Oxmo Puccino et Lino. Ah oui. Ouais, sur Opéra Puccino. Ouais. La loi du point final, donc c'est l'avant-dernier morceau de l'album. C'est extraordinaire, je trouve. C'est fou. Lino, il est au top. Avec Arsenic, ils ont sorti quelques gouttes suffisent. 98 aussi. Et Oxmo sort... son premier album, Opéra Puccino, qui va devenir un classique avec le temps. Et sur La Loi du Point Final, les deux sont vraiment en forme. Enfin, on retient les paroles, c'est marquant. C'est deux univers un peu qui se rejoignent bien, je trouve. De toute façon, à l'époque, il y avait Time Bomb qui était très chaud, Arsenic et... Bah après, il y a IAM aussi. Il y a un autre featuring que j'ai hésité, hein, parce qu'il y a aussi un morceau où c'est Oxmo avec Akhenaton. C'est Le jour où tu pars. Non, attends, c'est pas, je dis de la merde. C'est 24 heures à vivre. Il y a Freeman, Laura Luciano et Pete Bacardi. Enfin, c'est avec Akhenaton. C'est un super featuring aussi. Mais je crois qu'avec Lino, ça atteint des sommets. Ouais, avec les Lino, c'est vraiment légendaire de ouf. Hein. Donc pour l'occasion, j'ai ressorti le CD pour avoir les crédits sous les yeux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CD, je vous laisse regarder sur Google. Sinon, vous pourrez répondre à l'enquête d'Étienne. Voilà, donc je vous propose de l'écouter. My

Puis je pense que, encore une fois, c'est pareil, j'ai pas connu cette époque-là, mais je pense que c'était un morceau qui était pas mal orienté. Enfin, je pense que c'est un des morceaux qui a le mieux marché l'album aussi à la sortie. Enfin, j'en sais rien. De par comment je l'écoute maintenant. Ouais, ça te paraît formaté radio, quoi, pour toi. C'était pas aussi formaté que Sinatra Player, mais c'était plus. Ça faisait un peu tube, quand même. Je me rappelle pas exactement du morceau. Quand tu vas le mettre, je vais m'en rappeler, mais. Ouais, tu vas vite t'en rappeler. Yo, what's the deal, baby? I see you. Yeah. Still not a player, but you still a hater. Thug hater. Where my horns at? Where my horns? That's right. I'm alive, I'ma put it on. Could've gone to jail, shit. Thug nigga till I'm gone. Way to Bronx, I'm flipping. Five boroughs thoroughly rapping. Let's unite the city and step to the world as a weapon. Cause everybody's checking for puns, second to none. Cause Latin's going platinum, was destined to come. The inevitable, heavily better than whatever you do. We eligible to yes, it's incredibly credible. For the revenue, we getting you open with lyrical dope. And these breath that I'm quoting's like an injectional dose. And it never quits. Taken from TS, it's top terrorist. Rapper slash hijack, I'm bombing tracks ever since I was young. I wasn't always big blind, it wasn't always as fine. Hey yo, I rose from the slums, I had to pay my due. Lay a few, but I ain't saying who. Staying true to the game, no names playing it cool. Just me and the crew, holding it down. Long as we round, we gonna keep socking it to you like Homie the Clown. Going down like Pac, ready to ride or die, nigga. Da da da da da da da. One, you came up, what, making it happen. For rapping on the corner, the possibly going platinum. Ain't nothing changed, I'm still the same the way you remember me. Since the centipede on a big black, I'm back in the 70s. Try to remember me from my aggressive will. The way I kept it real, it's more important than any record deal. I used to chill on the block with Cuban and Sace. I still do, but now it's in the blue convertible 850. My true niggas will always be with me. The shifty kiss me, tell me they miss me, then try to diss me. Cause I'm a crispy crispy for life, 60's the price. Another 50 for the Cuban twisted and nice. Niggas are shice, but I psych them out. Though they like to doubt, I make them more believers once I let the Tyson out. Cause I can vouch for only a few, only the crew. From the old school, I consider loyally true. I morally grew from a fool to a scholar. Followed the rules and how to spot a plotter that's cool for a dollar. I wanna holler at my peeps that's repping the streets. Wrestling the beast, suggest resting in peace. Blessing my seeds and watching over us till I die. I'll align the souls of mine and shine for all of us. You came up, what, making it happen. For rapping on the corner, the possibly going platinum. Je pensais que t'allais prendre un truc français, Étienne. Bah, vu que j'avais déjà pris un truc français pour la prod, je me suis dit, pas mettre pour tout. Mais c'est vrai que du coup, en fait, j'ai réécouté l'album, ça faisait très longtemps que je l'avais pas écouté. Ouais, alors, en vrai, c'est quand même une sacrée boucherie. Ouais. C'est du ouf. entre les prods de ouf, les feats de ouf, les inters de c'est ça. J'aurais pu mettre 5 morceaux de Big Pun pour les deux catégories. Là, c'était... Ouais, ben on avait déjà passé Glamour Life de Big Pun, l'émission 98. Excellente prod aussi. Également. Et en parlant de Noriega, j'ai cru, quand j'ai repensé à Noriega, j'ai repensé à Capone et Noriega. Et je me suis dit, yes, l'album est sorti, l'album CNN de... Le premier. War Report de CNN est sorti en 90. Je me suis dit, ah, c'est sûr que je mets ça. Et au final, sinon, c'était sorti un an avant. 97. Coup, Noriega était très chaud à ce moment-là. Ah, le premier album de Capone et Noriega, c'était fou aussi. Hein. Ouais. Vraiment. Ah, c'était un peu Mobb Deep. Un peu une copie de Mobb Deep. Ouais, mais bon. Mais. Il rappe pas pareil, quoi. Non, c'est ça. Les prods étaient un peu dans le même registre, mais le rap était différent, quoi. Non, mais les instrus, clairement, c'est. Je crois qu'il y a pas mal de prods de Havoc dessus. Ouais, il y a beaucoup de prods de Havoc. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Même, ils étaient un peu affiliés, une sorte d'affiliation. Genre... Ouais, voilà. Mais c'est le Queens, non, aussi, de toute façon. Ouais. Je suis une école. Du coup, Julien, de ton côté, le featuring. Alors, pour terminer, moi, il y a un album de 98 que je réécoute souvent. Je sais, Jérôme, que tu es un amateur de Alpe Achat. Ouais. Et du coup, quand tu écoutes cet album, tu retrouves vraiment tout ce qui a pu influencer Alpe Achat. Je parle de l'album, il s'appelle Rhythmalisme de DJ Quick. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. Si, je vois très bien, ouais. Voilà. Ça, c'est 98. Il était dans ma shortlist pour les prods. Ouais, bah les prods sont tout incroyables, de toute façon DJ Quick. Et là, tu retrouves totalement le côté de Alpe Achat, de son influence, mais vraiment, vraiment, quoi. Et donc, le morceau, bah, tout simplement, c'est Medley for the V de Pussy Medley. Avec, dedans, il y a donc DJ Quick, évidemment, featuring Snoop Dogg, Nate Dogg. Il y a aussi AMG, Second to None. Il y a aussi IC et. T'as vraiment choisi le morceau. le Pussy Cut pour faire un mauvais jeu de mots. Le morceau du Pussy, c'était ça qui était cool. Donc, du coup, moi, ça m'a interpellé ce morceau du Pussy, tu vois. Surtout avec Snoop Dogg. Snoop Dogg, Nate Dogg, DJ Quick, c'était déjà gagné. Donc, j'envoie le morceau. Clairement. Hey yo, G1, I've been listening to this nigga Quick album. He ain't got no songs about the pussy. You know that nigga gotta have something about the pussy on this shit, you feel me? And I'm just that nigga to beat the pussy up. So if you feel me like I feel you, you know what I'm saying? Let me get a little piece of this thing here like that's it. Trick. Let a nigga from the ESLBDP beat that pussy till it's soft and mushy. I love that bushy, and most niggas still do. Unless that bitch shit smells like mildew, and we'll do damn near anything to get it. And once I got it, I'm outie, I stay bout it. I sip a little tea, then light up my weed. I slip on my rubber out the cover, then I proceed to give your little thick ass what you need. Gangsta, gangsta, I make your cootie cat scream. Did not turn you on like a phone. You're loving that doggy dog meaty bone. When you moan, your whole voice tone make me wanna put my biz on in your jizz off. And y'all, you know what I'm getting at. I'm spitting that nigga wanna fuck trick. So what's up, bitch? See, as long as my motherfucking dick get hard, and I got $1 million banked out on my credit card. No disrespect or no disregard, but I'm hopping for that pussy like they used to hop for cars. My nigga DJ Q told me come on through, 'cause he got a gang of bitches that was down to do. Keep it poppin', since I'm from the big LBC, that's right down the street from Compton. I pop in the liquor store to grab some hats, a bag of ice, some blue dice, and some cognac. Yeah, the pussy's good, especially when it's from a whole nother neighborhood. How good do we get when you on that G shit? I'm stroking that pussy till that bitch seasick. We dick bitches down, and that's rule number 3 in the dog pound. Bitch draws down. We won't get no radio play, but we probably get some pussy for this. What you say? I said we won't get no radio play, but we probably get some pussy for this. You can't be, can't be. You can't be my lady, but I'll let you be. Let you be, let you be my playmate. Baby, let's sip wine while we 6'9". I slide on this rubber and we'll be just fine. Now if my kind of broke and my ass got smoked, I'ma still get to heaven on a little rubber boat. around and boo-hoo. Talk about how I see I love it at you. She said, where you been? I said, in your mouth. If you're looking for love, then take me down south. And I'll tell you all the things that make you laugh and giggle. Well, I insert my inner shaft up in your tender fiddles, a hot pocket. Snoop Dogg told me to stop it. He heard me in the other room, banging the room. And baby, better do me like I'm one in a million. Check your feelings and point that ass to the ceiling, cause I'm the dick I'm down king. Call me on the celly, let it ring. And prepare your lips for the ding ding. And if you got some friends, let them bend on over. While I ride him like a 98 Rover. You can wish him you want, but the stick you're gonna meet. Hit your elbows and knees, spread your booty cheeks, and call me daddy with an eye. Girl, you're doing everything by the book. Nate Dogg, tell him how she look. Girl, you're looking fine, so fine. I wonder if you'd like to take the time to cry. If so, why don't you leave with me today? Let's play this game I call it Touch a Secret Place. Let's play. See, first I just grab you from behind. Gangsta D, baby, never saved a trick. Got a harem full of hoes. Mash it to the studio for all my niggas. You will get busy, ho. Now the first bitch, she won't dick to the consoles. My second and third wanna fuck on the console. My folks strike a lead like the Duke shoot shot. While my money make a walk in the stroll. For my knot, got the fish mouth smelling like fresh cow. Young twat, if I can smell it, I'ma tell you to get going with a dish pack. You're making my nose react. Reeking, but that ain't tweet on no yak. More like 25 pounds to get back, and I can tell by your walk. It's talk back, but if that ain't your case, let me take a ride on your love roller coaster. Pull her panties aside, KK. I'ma lean to the left and to the right, and I'ma make you scream and holler for more. And I bet you when I'm in it, you can't help but you admit it. You ain't ever came as good before. Share is real, got my dick so hot. I ain't gonna make it to the house, cause that's too far. Mr. Quick, give me the key to the benzo, so I can hit it right here on the east. Bishop and Phil, you and he is smart. Even if it's not just a few more, if he runs it up, he's not dead anymore. I'm gonna reduce his arms, which is all gonna be slipped. Issues or hunt the best time, so I swore he got a nickel, swore he did view. Say, I don't share a fixing up for the fish now. I have heard of my culture, you mean? I get to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to come to You can point to the toy. Langley the boy doing yoin. Mais tout l'album, de toute façon, c'est une tuerie, cet album. Et pour tous les gens qui aiment la West, il faut absolument au moins avoir écouté cet album. Ouais, c'est un bon album pour découvrir DJ Quick aussi. Ouais, grave. Qui a fait un peu la musique dans l'ombre de Dr. Dre, parce qu'il n'était pas aussi connu. Et je pense que c'est un peu le problème de la West, surtout qu'on a, surtout en France. Ouais, en France. C'est trop résumé France, à Dr. Dre, quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'après, le DJ Quick, il est connu hein, aux États-Unis, hein, de malade. Hein. Bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, moi, je parle avec nos yeux de français sur, sur cette musique. Je suis totalement d'accord avec vous deux là-dessus. Hein. C'est que, de toute façon, les gens, si tu leur dis « Ah ouais, la West Coast », ils vont te dire « Bah ouais, Dr. Dre, Snoop Dogg ». D'accord, mais il n'y a pas que… Enfin, voilà, c'est assez large. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappeurs. Et il y a la Bay Area. Il y avait déjà E-40 à l'époque et tout. D'ailleurs, il y a un album de E-40 qui était sorti en 98, il me semble. C'était pas mon préféré, j'ai pas mis, mais voilà, c'est… quand même un grand activiste rappeur à West Coast aussi. Hein. Il fortit là tous les ans à peu près, je crois. Ouais, bah ouais. Je crois qu'il a une discographie qui est très, très, très, très longue. Oui, énormément. Ben, merci à tous. Hein. Et pour les auditeurs, désolé pour la qualité du son si ce n'est pas tip-top pour l'instant, en attendant qu'on regagne la qualité studio, la qualité stéréo. Ouais, mais quand on retournera au studio, on aura perdu Simon et Étienne, du coup. Ah, c'est les effectifs. Ah, je reviens dans un mois, en vrai. Ah, ben bah, c'est bon, il sera pas… Je pense que le studio, il va pas rouvrir de suite, de toute façon. Ouais, non. J'ai eu des nouvelles, là, c'est pas pour tout de suite. On vous dit à la semaine prochaine, du coup, et on va retourner dans les années 2010, normalement. Ok. Allez, ciao. À bientôt. Vermeil, un peu violette. Bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux.